Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ce Chironte, et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est. Je ne branlais pas. Cadélis, et les trous bérés, se cacha-t-il au centre de la terre? Chut, ne vous montrez pas. Oh, l'homme au sac. Monsieur? T'éveille un louis et m'enseigne où peut-être c'est Chironte. Vous cherchez le seigneur Géronte, monsieur. Oui, mordu. Je les cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui, oui. Mais... J'ai beu Cadédis les faire bourrir sous les coups de bâton. Ah, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Guy, c'est fat déchirante, c'est marot, c'est vélitre. Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni fat, ni marot, ni vélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Mais je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ce Chironte? Oui, monsieur, j'en suis. Oh, Cadédis, tu es de ses amis. À la fournure. Tiens, voilà ce que je t'ébaille pour lui. Au! Ah, oh, monsieur Toubon. Au! Oh, monsieur, doucement. Oh, monsieur. Oh, portez-lui ça. C'est ma part. Adios. Oh, diable soit le Gascon. Oh, Scapin. Oh, je n'en puis plus. Oh, monsieur, je suis tout moulu. Et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Nenni, monsieur. C'était sur mon dos qu'il frappait. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups, et les sens bien encore. Non, vous dis-je, ce n'était que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Oh, prenez garde, hein? Voici une demi-douzaine de spadassins tout ensemble. Cherchons partout. N'épargnons point nos pas. Courons toute la ville. N'oublions aucun lieu. Visitons tout. Furetons de tous les côtés. Par où irons-nous? Tournons par là. Et non, par ici. À gauche? Non. À droite? Nenni. Si fait. Chut, cachez-vous bien. Oh, camarade! Voici son valet! Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Eh, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est. Parle, hâte-toi. Expédions, dépêche vite. Donc, eh, messieurs, doucement. Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu, hein? Oh, je ne trahirai point mon maître. Ah, tu en veux tâter? Voilà. C'est ainsi que tu m'assassines. Tu me le paieras, je te jure. Oh, la plaisante histoire! Et la bonne dupe que ce vieillard! Il n'y a rien de plaisant à cela, et vous n'avez que faire d'en rire! Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Mais comment? Qui songe à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Ça ne vous regarde point!